quatrième et dernier temps de notre série sur les Black Studies. Ce matin, le débat. Après avoir évoqué lundi à la fois la représentation des Noirs dans l'art du XVIIIe siècle et les activistes latinos des Young Lords, très inspirés par l'action des Black Panthers, puis mardi écouter le documentaire d'Anaïs Quin et Séverine Cassard sur la revue Fire, issue du mouvement de la Renaissance de Harlem dans les années 20 aux États-Unis, et hier avoir débattu de la présence des Black Panthers au Festival culturel panafricain d'Alger en 1969, nous allons nous demander dans ce débat aujourd'hui, donc avec Anaïs Quin qui le co-animera avec moi et qui a préparé toute cette semaine, s'il est pertinent d'instaurer dans les universités et centres de recherche européens et européennes des Black Studies avec Sarah Filabac-Abadio. Elle est maîtresse de conférence à Cergy. Elle est auteure de Africa on My Mind, histoire sociale de l'afrocentrisme aux États-Unis aux éditions des Indes Savantes. C'est paru il y a 2 ans. Nicole Grégoire sera avec nous également depuis les studios de la radio belge où elle enseigne. Elle enseigne à Bruxelles. Elle est chargée de recherche à la FNRS et elles ont toutes les deux co-dirigé, co-animé avec d'autres chercheurs et chercheuse, une réflexion justement sur cette question des Black Studies en Europe. C'était en novembre dernier à Bruxelles. Et avec nous, Pape Ndiaye également, il est professeur d'histoire nord-américaine à Sciences Po et auteur de La Condition Noire chez Kalman Levy. Il prépare une histoire mondiale des droits civiques à paraître l'année prochaine. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à vous, Sarah Filabac-Abadio. Bonjour. Bonjour, Nicole Grégoire. Vous m'entendez ? Je vous entends. Bonjour, bonjour. Vous êtes en duplex avec nous depuis Bruxelles. Et enfin, bonjour Pape Ndiaye. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, Pape Ndiaye, parce que c'était en 2005, dans la revue Le Mouvement Social, vous publiez un article qui a fait date avant la publication plus tard de La Condition Noire et qui s'intitulait « Pour une histoire des populations noires en France ». Préalable théorique qui était une façon de poser le débat, pourrait-on dire, il y a maintenant 12 ans, de la nécessité ou non, justement, de distinguer la question des populations noires du reste de la population française et d'imaginer la possibilité de travailler justement sur cette condition noire qui sera le cœur de votre livre un peu plus tard, 3 ans plus tard. Ces préalables théoriques étaient utiles. Ils vous venaient aussi de votre formation entre la France et les États-Unis, Pape Ndiaye. Certainement, tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à ces questions, le plus souvent, ont séjourné aux États-Unis ou en tout cas sont familiers des sciences sociales américaines, des sciences sociales qui font de la question de la race, non pas au sens biologique, mais au sens de la catégorie imaginaire, une question normale, une catégorie d'analyse normale dans l'étude des sociétés passées et présentes, dans l'étude des processus d'inégalité. Donc passer par les États-Unis, c'est se familiariser avec des notions, avec des manières de penser la société qui, surtout il y a 12 ans, étaient vues comme relativement illégitimes en France et parfois même scandaleuses. Oui, est-ce qu'elles sont devenues plus légitimes ces questions-là, selon vous, en une douzaine d'années justement, Pape Ndiaye ? Je pense. Il me semble que on a progressé, entre guillemets, depuis une douzaine d'années, au sens où les échanges nord-atlantiques sont beaucoup plus intenses que par le passé. Donc il y a une familiarité plus grande à l'égard de ces notions. Il y a aussi des travaux qui ont été publiés depuis 12 ans, qui ont acclimaté, en quelque sorte, les sciences sociales françaises à cette fameuse catégorie de race. Bien entendu que cela suscite encore beaucoup de débats, cela ne va pas de soi, mais il me semble qu'aujourd'hui, la fameuse question sociale n'est plus automatiquement rabattue, comme par le passé, sur les déterminations de classe. Et donc sur des perspectives marxistes qui ont été très très fortes et très influentes dans la vie politique française, mais aussi dans les sciences sociales françaises, on prend plus volontiers en compte d'autres aspects de la question sociale, les questions de genre. Bien sûr. Ô combien. Qui se sont d'ailleurs développées en même temps que ce que vous décrivez, Pape Ndiaye. En effet. Et puis aussi, donc, ces questions de race, on peut mettre ça entre guillemets, par lesquels donc cette question sociale peut être envisagée de différentes manières. C'est quelque chose qui me paraît plus normal ou plus accepté aujourd'hui. Et pourtant, vous expliquez dans votre communication, dans ce colloque donc qui a eu lieu en novembre dernier à Bruxelles et qui sera bientôt publié, dans une année, quelque chose comme ça. Près dans une année. Serafila Bakabadio, vous expliquez que ça ne va toujours pas de soi parce qu'il y a effectivement dans la société française cette question de la République en particulier qui ne veut distinguer aucun de ses enfants, c'est comme ça que c'est souvent présenté, et qui donc est réticente à distinguer telle catégorie de population par rapport à telle autre, et en particulier à partir de la question de la race, de cette notion de race, ou de la question de la couleur de la peau, Serafila Bakabadio. Oui. Effectivement, à mon sens et au sens d'une partie des, notamment des participants du séminaire que je co-anime avec certains collègues de Paris 8, Sylvain Pathieu, Emmanuel Sibeux et aussi Audrey Célestine qui est à Lille 3. Au fil des ans et des présentations des chercheurs qui ont été invités, on voit aussi que malgré l'extension du corpus qui est désormais disponible de jeunes chercheurs qui travaillent sur la catégorie de race, sur les statistiques ethniques, sur les formes de discrimination, les mécanismes de racisme institutionnel, on est quand même dans un champ qui reste assez limité. C'est-à-dire qu'on bute quand même systématiquement contre la catégorie de colorblindness, de l'absence de discussion sur la race, de l'invisibilité de la catégorie de race, et aussi la collusion entre la catégorie politique, historique et sociale qui est formée et une définition biologique, qui est toujours en arrière-plan quand on parle... Vous voulez dire la catégorie de race telle qu'elle a été définie par le biologisme ou la biologisation justement des races au 19e siècle, c'est ça, qui est encore derrière, c'est cela. Et donc le doute qu'utilisait même ce terme de race, ça serait se référer justement à cette catégorie biologisante du 19e siècle. C'est l'argument qui est souvent avancé quand les uns et les autres nous parlons de la race et qu'on utilise le terme. La critique qui est avancée fréquemment, c'est l'usage en fait de race égale biologie. Anaïs Quin. Oui, et ce que vous désignez tous sous le terme daltonisme a un impact direct sur les sources que l'on pourrait convoquer pour cette étude sur les populations noires d'Europe, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chiffres. On n'a aucune statistique, Pap Ndiaye, depuis, vous nous dites dans votre article du mouvement social, depuis le 18e siècle. Oui, puisque, en effet, cette notion est proscrite, tout au moins en France, puisque dans beaucoup de pays d'Europe, les statistiques qu'on appelle d'ailleurs improprement ethniques, il ne s'agit pas de mesurer les ethnies, il s'agit plutôt de mesurer l'impact de la couleur de peau, par exemple, sur la distribution des biens sociaux en général. Dans beaucoup de pays d'Europe, ces fameuses statistiques existent, à commencer par la Grande-Bretagne, par exemple, qui les a introduites à partir de 1990. Les choses ne sont pas immobiles. Et puis, par ailleurs, en France, on dit qu'elles sont interdites. Ça n'est pas tout à fait le cas. Il y a, sous réserve d'un certain nombre de précautions juridiques, des études qui ont été menées, qui sont menées, je pense, à la grande enquête Théo, Trajectoire et Origine, qui a été menée par l'INED ces dernières années, qui est la première grande enquête officielle d'ampleur sur ces questions. Il n'en demeure pas moins que nous souffrons d'une absence globale de données, surtout si on compare la situation européenne en général, française en particulier, par rapport évidemment à celle des États-Unis. Alors ça n'est pas la même chose, Nicole Grégoire, en Belgique, où vous enseignez, puisque vous enseignez à la FNRS, vous êtes chargé de recherche à la FNRS, qui est l'équivalent du CNRS français à Bruxelles, et vous avez co-organisé donc cette réflexion en novembre dernier à Bruxelles avec, entre autres, Serafila Bakabadio, qui est dans notre studio à Paris, puisque effectivement, le cas de la Belgique est un peu particulier. Il y a ces deux parties, la Flandre, il y a la Wallonie, il y a Bruxelles comme capitale qui est à la fois flamande et wallonne, pourrait-on dire, enfin qui a un statut particulier. Et puis il y a une, dites-vous par exemple en Flandre, une particularité, c'est-à-dire qu'on est plus proche justement de l'univers anglo-saxon, on reconnaît plus facilement justement les origines que dans la partie wallonne, qui ressemblerait plus à la vision que l'on se fait de ces questions en France, Nicole Grégoire. Oui, tout à fait. Alors juste une petite correction, je suis chargée de recherche au FNRS, donc au Fonds National de la Recherche Scientifique, mais rattachée à l'Université Libre de Bruxelles. Bien sûr, l'ULB. Où je suis donc chercheuse et je n'enseigne pas pour l'instant. Donc oui, la situation est un petit peu différente en Belgique, au sens où le débat français sur la question raciale a pris place avant le développement d'un débat belge sur le même type de questions. Mmh. Un peu pour les mêmes raisons qu'en France, et en fait des raisons qu'on retrouve à travers les pays européens, hormis l'Angleterre qui a une longueur d'avance, la question raciale, l'utilisation publique de catégories ouvertement raciales est problématique. Pour les raisons qu'on a citées, par crainte d'une essentialisation en fait de ces catégories. En revanche, en Belgique, malgré les différences qui existent entre, en effet, le côté flamand qui pourrait être assimilé au multiculturalisme anglo-saxon et le côté francophone qui a tendance à se rattacher plus à la philosophie républicaine française, on trouve quand même des points communs qui éclairent en fait le retard, en quelque sorte, de la Belgique. C'est d'une part le fait que s'attaquer à la question raciale, c'est s'attaquer à la question des citoyennetés postcoloniales et que le passé colonial de la Belgique, la politique coloniale de la Belgique d'abord, et puis le passé colonial de la Belgique a amené à ce que les populations dites noires passent inaperçues. Et ça traverse le pays, les trois régions, les communautés linguistiques. Et alors, la problématique de la catégorisation raciale qui, en Flandre également, bien qu'il existe en effet une reconnaissance plus ouverte des origines et des politiques de reconnaissance des minorités, n'est pas pour autant une reconnaissance de la question raciale en tant que telle. Mmh. Et donc, on se trouve dans une difficulté en particulier, et vous l'expliquez bien, Nicole Grégoire, parce que avant les indépendances en particulier, il n'y avait quasiment pas de présence noire dans la Belgique. La Belgique a eu besoin, en particulier au moment des grands moments de boom économique, d'immigrés. Elle est plutôt allée les chercher du côté de la Méditerranée, de l'Italie, de la Grèce, de la Turquie, du Maroc, plutôt que dans ses propres colonies. Et ce sont des étudiants, les indépendances, qui sont majoritairement venus en tant que population noire, donc des étudiants du Congo, du Rwanda et du Burundi, ce qui change un peu la donne aussi par rapport à la situation française où la présence noire, et Papendia il avait montré dans sa condition noire, remonte au XVIIIe siècle dans nos villes. Tout à fait. Donc c'est en Belgique, bien que depuis finalement le XVIe siècle, on puisse parler d'une présence noire éphémère, notamment à Anvers. La présence noire telle qu'on la connaît aujourd'hui en Belgique, elle débute véritablement au lendemain des indépendances, c'est-à-dire que à l'époque coloniale, la politique de la Belgique en tant que métropole, c'était de maintenir les indigènes dans les colonies. On avait besoin d'une force de travail pour travailler dans les colonies. Et par ailleurs, il y avait la crainte une migration en provenance des colonies provoque, par le contact notamment ici en Europe avec le Parti communiste, les mouvements de gauche, provoque des remous dans les colonies. Enfin, il y a différentes raisons qui peuvent être évoquées, mais tant est que la main-d'œuvre indigène était maintenue dans les colonies et que ce n'est qu'au lendemain des indépendances que, en effet, une élite congolaise majoritairement vient se former en Belgique avec comme projet initial de retourner au Congo pour construire le pays nouvellement indépendant. C'est aussi un fait particulier à la Belgique, c'est de n'avoir pas formé d'élite pendant la période coloniale. La Belgique formait majoritairement donc des techniciens. Voilà, donc ces étudiants qui viennent au lendemain des indépendances au début repartent. Et puis, à partir des années 70-80, on observe une installation progressive, mais de personnes qui ne se pensent pas nécessairement comme installées définitivement. Mmh. Donc, c'est un projet de retour qu'on remet toujours au lendemain, quand la situation dans le pays d'origine ou les opportunités seront meilleures. Du côté de l'État belge, cette présence reste aussi relativement impensée. Ces étudiants sont censés repartir chez eux. Et du côté des études migratoires, comme on est focalisé sur la main-d'œuvre ouvrière qui est venue du bassin méditerranéen, et comme aussi la question du passé colonial de la Belgique après les indépendances, en fait, n'est pas débattue, n'est pas réfléchie, n'est pas pensée, eh bien, ces populations passent inaperçues. Merci Nicole Grégoire, on vous donnera la parole dans quelques instants. Une question d'Anaïs Kien. Oui, Sarafila Bakabadio, on entend bien que la diversité des histoires migratoires des Noirs d'Europe contrarie un petit peu peut-être parfois la pertinence des concepts venus des États-Unis. L'histoire du peuplement noir américain n'est pas le même du tout que celui du peuplement noir européen. Effectivement, les histoires sont très différentes. Et pour faire le lien avec les Black Studies, les Black Studies américaines ont été fondées par les descendants de personnes mises en esclavage et pas par exemple pour des Africains. Les Africains avaient les African Studies. Et donc déjà cette différence, cette distance entre deux types de populations crée aussi une manière de penser l'objet qui est très différente. Mais c'est aussi l'un des enjeux en fait pour nous. Et pour les membres de la conférence, c'était de poser aussi la question de ce modèle. Comme disait Pape, les uns et les autres partons vers les États-Unis pour avoir des outils, des billes et des concepts pour pouvoir parler de la racialisation et d'autres phénomènes. Et on est aussi confronté à l'adaptabilité ou la flexibilité de ces concepts à une situation propre des populations. Mais alors justement, qu'est-ce qui ne marche absolument pas ? Qu'est-ce qui ne marche absolument pas ? Qu'est-ce qui ne s'exporte pas peut-être de cet appareil théorique américain ? Alors, il y a une chose qui ne s'exporte pas et qui n'est pas apparue pendant la conférence, mais qui est apparue parmi mes collègues afro-américanistes, c'est par exemple le concept de suprématie blanche, qui est un concept opposé, qui signifie la suprématie des populations blanches et la déstructuration d'une identité noire. C'est quelque chose qui ne parle pas effectivement aux populations ici, dans la mesure aussi où les gens viennent parfois d'Afrique, dans des endroits où la majorité des gens sont noirs, ont été décolonisés ou descendants de colonisés, et que les cadres de pensée sont très différents. Pape Ndiaye. Oui, lorsqu'on parle de populations noires d'Europe ou des États-Unis d'ailleurs, on ne signifie pas que ces populations seraient unies culturellement, qu'elles se ressembleraient exactement. C'est vrai aussi aux États-Unis. Il y a une migration venue de la Caraïbe depuis les années 20 en particulier. À Harlem, dans les années 20, il y avait 1/5 de la population qui venait de la Caraïbe. Et puis aujourd'hui, il y a une migration africaine importante vers les États-Unis. Donc dans tous les cas, on a une hétérogénéité sociale, culturelle. Ce dont on parle quand on parle de population noire en Europe ou aux États-Unis, c'est, de mon point de vue, une expérience sociale commune. L'expérience qu'il y a à être noir dans une société qui ne se pense pas comme telle. Et à ce titre-là, il y a un plus petit dénominateur commun. Nous sommes très différents, etc. Vous voulez dire qu'on soit enfant d'Antillais, qu'on soit enfant d'Africains plus récemment arrivés, qu'on soit d'une classe sociale plus élevée ou moins élevée, c'est un peu la même chose. Il y a des différences, bien entendu. Vous appelez la condition noire. Exactement, mais il y a quelque chose qui est qu'on est vu comme tel. C'est l'expérience de sa propre couleur. C'est l'expérience d'être noir. C'est le fait d'être noir, comme disait aussi Fanon, très clairement dans Peau noire, masque blanc. En particulier en France, c'est moins vrai aux États-Unis, le fait que l'on apparaît comme venu d'ailleurs. S'il y a quelque chose qui pourrait résumer de manière très simpliste l'expérience noire en France, c'est de devoir répondre à la question « Mais d'où venez-vous ?» Dans sa pays là, yo pas vu sainte loi, yo pas vu Marcel Louria. En vérité, yo pas aimé l'eau qu'on s'appelle là. Mais souffrir, il pas qu'un dormi. On vous comprend, il cambouille. N'importe qui joue, force sa pété. C'est le cachaille. Love where they Vous écoutez France Culture, la fabrique de l'histoire, quatrième temps de notre série consacrée aux Black Studies. Et aujourd'hui, nous nous demandons s'il est possible d'importer, de vivre avec ce concept de Black Studies en Europe. On vient d'écouter un titre de Soft, un groupe de Guadeloupe dirigé par Fred Dehé, Cadence à pays là, mais qui, un tout petit peu après ce titre, avait créé le titre qui s'appelait Partout étranger, qui disait un peu ce que vous disiez à l'instant même, Papa Niaï. C'était un titre sur le Bumidom, ce fameux Bumidom, ce bureau d'immigration des DOM qui a existé et persisté pendant plus de 20 ans au moins entre le début des années 60 et les années 80, qui a donc fait venir en métropole beaucoup d'Antillais et de Réunionnais pour servir de main-d'œuvre dans différentes administrations en particulier. Par exemple, ça c'est un sujet d'étude aujourd'hui, le Bumidom, et ça fait partie des Black Studies, selon vous, en l'occurrence, Sarafila Bacabadio? En un sens, alors le spécialiste et les spécialistes du Bumidom sont Sylvain Patieu et Audrey Célestine, qui sont en train de produire une étude sur le sujet. En un sens, oui, dans la mesure où l'un et l'autre travaillent la catégorie de race et comment la catégorie de race devient structurante aussi de la représentation de ces personnes en France et en métropole. Notamment, Sylvain Patieu explique comment le ressenti des gens, des migrants, et comment ils se rendent compte qu'ils sont classés comme noirs au même titre que les migrants venus d'Afrique subsaharienne et que ça leur pose un problème vis-à-vis de la citoyenneté française. Voilà. Anaïs Kien. Il y a une dimension aussi très, très différente qui explique peut-être cette absence jusqu'à présent d'études proprement sur la condition noire en Europe. Papa Niaï, c'est l'impuissance peut-être à créer un système d'association, d'organisation efficace, de reconnaissance de la spécificité noire dans le champ politique européen. C'est vrai en partie, mais ces formes d'organisation par lesquelles les populations, via différents porte-paroles, ont fait entendre leur voix, leur demande d'égalité le plus souvent. Le CRAN, par exemple. Récemment, mais c'est une histoire qui est très longue, qui est une histoire centenaire. Les premières associations noires ou nègres furent fondées en France dans les années 1920, au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec des tirailleurs qui étaient restés là, en particulier. Et puis... Mais pourtant, pour autant, on a toujours l'impression que ces mouvements restent un petit peu dans l'ombre. Bon, on ne souhaite pas, évidemment, forcément, l'ampleur d'une discrimination telle que celle qu'on connaissait aux États-Unis de ségrégation qui a forcément généré cette lutte extrêmement violente et difficile pour les droits civiques et qui a appelé de ses voeux justement ces études et ce champ puissant des études noires aux États-Unis. Oui, mais malgré tout, effectivement, cette histoire est longue, mais elle est invisible. Elle est marginale, disons, dans le mouvement social français, incontestablement. Et contrairement aux États-Unis, en effet, où il y avait un ennemi très clairement identifié et structurellement visible en raison des lois de ségrégation, cela n'existait pas en France. Donc on avait quelque chose de beaucoup plus diffus, qui relève du racisme, des différentes formes de discrimination. Mais c'est une histoire néanmoins qui existe. Et je pense que étudier la situation américaine, en particulier le mouvement associatif, mais également les mouvements culturels de la Harlem Renaissance dont vous parliez avant-hier jusqu'à aujourd'hui, sans regarder ce qui se passe à Paris ou à Londres, par exemple, c'est faire justement la même erreur. La négritude, par exemple, à partir des années 30, a été un très puissant mouvement. C'est un concept atlantique, on pourrait dire. Tout à fait. Qui est à la fois présent sur le continent africain, dans le continent américain et en Europe. Et formulé dans l'espace francophone. Oui. Et donc, il s'agirait surtout pas, je pense, de placer la France en dehors de cette grande conversation de l'Atlantique noir, dont elle est partie prenante, mezzo voce, en quelque sorte, par rapport au grand mouvement politique des années 60. Et la critique de la négritude aussi, d'une certaine façon, qui est née aussi dans les années 60, pas simplement en Afrique, mais on entendait hier, à propos du festival panafricain d'Alger, des critiques, justement, de cette négritude. Eh bien, elle est aussi un concept non seulement africain, mais aussi atlantique. Vous aviez d'ailleurs dans votre colloque de Bruxelles, Sarah Filabac-Abadio, je donnerai la parole ensuite à Nicole Grégoire, vous aviez Paul Gilroy, qui est un des grands théoriciens justement de cette Atlantique noire. Oui, tout à fait. Et il a apporté une contribution très intéressante dans la mesure où non seulement il nous a expliqué, il a insisté sur le fait qu'on ne pouvait pas se passer d'une discussion sur les Black Studies aussi parce qu'elles font partie en fait d'une puissance intellectuelle américaine dont on est tous partie prenante, mais aussi le fait que à l'échelle européenne, nous avons aussi besoin de penser un collectif, un global, aussi parce que dans un travail qui est le travail dans lequel on s'engage. En fait, on fait aussi des comparaisons entre les situations des populations noires dans les différents pays. On voit le commun, les spécificités, et aussi parce que, pour rejoindre ce que Pape notait juste avant, parce que les milieux, par exemple, militants sont déjà en réseau. Produisent déjà des savoirs, des écoles d'été, des choses que nous, universitaires, ne connaissons pas, mais eux sont déjà engagés dans la construction de savoirs. Nicole Grégoire, d'ailleurs, ce que décrivait à l'instant même Pape Ndiaye à la question, en répondant à la question d'Anaïs Quien, c'est-à-dire ce retard, pourrait-on dire, de prise en compte de ces associations, de cette mouvance activiste, pourrait-on dire, noire en Europe, elle est encore plus tardive en Belgique, expliquez-vous. Ça n'est que depuis le début des années 2000 ou 2010 qu'il y a des associations qui se réclament justement de ce type d'activisme un peu plus tardivement qu'en France, par exemple, Nicole Grégoire. Alors je vais parler du cas belge, mais après j'aimerais bien, si vous m'en laissez le temps, élargir un petit peu plus à d'autres pays européens. Donc oui, en Belgique, on a un mouvement associatif. En termes de revendications au nom de l'ensemble de la population africaine, qui se développe assez tardivement, en partiellement pour les raisons que j'ai citées plus tôt, c'est-à-dire le fait qu'on a en Belgique des personnes qui pendant longtemps, des élites intellectuelles qui pendant longtemps pensent qu'elles vont rentrer chez elles. Mmh. Et donc, quand elles s'organisent politiquement, c'est par rapport aux enjeux liés au pays d'origine, bien souvent, ou alors c'est dans des groupes de soutien mutuel, etc. Alors, on a au début des années 90, en effet, le développement des premiers mouvements panafricains. Et alors, il faut dire aussi que jusqu'à récemment, ces formes de solidarité qu'on pourrait donc appeler noires ne se donnaient pas ce nom-là. Mmh. Et qu'en fait, c'est plutôt la seconde génération, c'est-à-dire les enfants de ces migrants, qui développent des mouvements sociaux, des collectifs qui se revendiquent explicitement. Pour beaucoup, comme des collectifs noirs. Et dans le reste de l'Europe, comme vous nous suggériez. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est assez frappant dans le reste de l'Europe, c'est que si on a initié cette conférence à Bruxelles, c'est en partant du constat que justement à travers l'Europe, depuis une bonne quinzaine d'années, il y a énormément de choses qui se passent au niveau militant. Et au niveau de la recherche également. Une recherche qui peine à trouver une institutionnalisation, c'est vrai, mais avec différentes initiatives. Alors on peut citer, parce que avec ce colloque, on a rien inventé, hein, on s'inscrit dans une lignée qui, sans revenir nécessairement au congrès panafricain et au congrès des artistes et écrivains noirs, plus récemment, l'initiative BEST en Allemagne, qui est créée en 2004 à l'université Johannes Gutenberg de Mayence, c'est une initiative, donc Black European Studies Program, qui entend amener cette question des Black Studies au niveau européen et qui met en réseau des chercheurs européens et aussi des militants, des chercheurs militants en relation avec les États-Unis. En 2004 également, à partir de l'Espagne, il y a le réseau Afro-Europeans qui se met en place, qui organise des conférences tous les deux ans à travers l'Europe et qui a déjà vraiment diverses publications. En 2008, Amsterdam, aux Pays-Bas, on a la Black Europe Summer School qui est créée notamment par Kwame Nimako. Et puis, encore plus récemment, en Angleterre, on a le tout premier programme universitaire Black Studies, qui a été créé en 2016 à l'université de la ville de Birmingham, notamment par K&D Andrews. Mm-hmm. Alors, quand on s'interroge sur la pertinence des Black Studies en Europe, j'ai envie de dire que la question a déjà trouvé sa réponse. Il existe déjà en fait de nombreuses initiatives, et avec ce qu'on a développé en novembre, en fait, l'idée c'est de développer une force de coordination et de mise en visibilité, en discussion de ces initiatives, des recherches qui sont développées à travers l'Europe, notamment en dialogue avec les concepts américains, de mettre ça en discussion d'un point de vue épistémologique. C'était vraiment l'objectif de ce colloque, c'était de faire un peu un état des lieux justement de ces recherches à travers l'Europe, de leurs conditions d'émergence, de leur objet d'étude et de leur portée transnationale. Anaïs Quin. Oui, Sarafina Bakabadio, il y a, on voit l'émergence de ces recherches, mais les chercheurs sont déjà là, d'une certaine façon. C'est leur visibilité institutionnelle et leur, peut-être leur coordination, leur solidarité qui pêche jusqu'à présent. Tout à fait. Alors en France, les chercheurs sont déjà là. Ce qu'on a pu voir dans le dialogue avec nos collègues européens, c'est que la situation est très très différente dans différents pays d'Europe et que nous avons effectivement en France la chance d'avoir un corpus assez important qui se développe. Et effectivement, l'une des problématiques qui est la nôtre, c'est de rendre visibles les travaux que nous faisons les uns et les autres au grand public, dans les médias, vis-à-vis de la population en général, d'autant plus qu'il y a une demande. C'est-à-dire que quand on parle de nos travaux les uns et les autres dans certaines rencontres, ce qui nous est arrivé avec Sylvain Patieu il y a quelques mois, les membres du public nous ont demandé à quand des Black Studies à la française, puisque nous avons besoin de fonds et de contenu pour pouvoir alimenter aussi. Mais est-ce qu'on a besoin d'un champ structuré de cette façon-là, c'est-à-dire Europe. C'est une question, c'est-à-dire que la conférence n'avait pas pour objet de poser l'idée qu'il fallait absolument des Black Studies, c'était de mettre, comme disait Nicole, en débat la question et de penser aussi l'étiquette, le label, est-ce que ça fonctionne en Europe, est-ce que c'est pertinent pour les gens, est-ce que au prorata des réseaux déjà existants, nous avons besoin effectivement de ce champ qui serait une étiquette supplémentaire. Certains évoquent l'idée de afro-européen, afro-politanisme, suivant Achille Mbembe. Donc c'est un débat, mais c'est un débat afro-descendant aussi. Afro-descendant, mais c'est un débat qu'il faut qu'on ait. C'est ça aussi la question. Il faut avoir ce débat. Il faut sortir aussi d'une certaine invisibilité. Mmh. Il faut aussi produire des savoirs et montrer des savoirs qui ne seraient pas simplement des savoirs en marge qu'on insère dans une narration nationale une fois de temps en temps. Papandia, justement, ce qui est fort intéressant, c'est que même le terme de Black Studies apparaît pour certains, et peut-être certains de nos auditeurs ou de nos auditrices nous le diront pendant ou après cette émission, comme étant un produit d'importation, comme on a dit au tout début du genre. On appelait ça « gender studies » et les gens ont dit « ouais, c'est une invention des universités américaines qui va nous imposer, c'est le soft power américain qui nous impose ces concepts et qui donc recolonise d'une certaine façon l'Europe comme après la Seconde Guerre mondiale ». Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Sans négliger l'importance des sciences sociales américaines, à l'évidence, on le disait tout à l'heure, je répondrai à cela en disant que l'origine des Black Studies, elle n'est pas américaine, elle est européenne précisément. Et qu'on a oublié cette histoire-là, cette première histoire-là, qui est une histoire de l'entre-deux-guerres, qui ensuite a voyagé vers les États-Unis et qui revient vers nous d'une certaine manière. C'est-à-dire la négritude telle que vous l'évoquiez. En particulier, la négritude, mais on peut aussi penser à ce qui se passe après-guerre autour de la revue Présence africaine. Africaine, bien sûr. En particulier à la fin des années 1940, à l'époque où dans les universités américaines, par exemple, il n'y avait pas de poste de Black Studies. On en était loin. Donc il y a ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'exporter. Il s'agit de dialoguer. Il s'agit de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Les Black Studies existent déjà en France. Elles existent en Europe. Et ça veut dire que on est toujours dans cette idée qu'il y a, disons, la France a exporté les annales. C'est comme ça que ça a été longtemps vu. C'est donc toujours une vision d'une domination. Certains des historiens français regrettent la fin de la domination française sur les sciences historiques et les sciences humaines. Ils le disent parfois dans des conférences et on ne peut pas voir cette question-là. Vous dites qu'il ne faut pas voir cela sous le mode de la domination, en l'occurrence, mais de la rencontre, de la discussion, de l'interpénétration des concepts, Papandia. Exactement. C'est un dialogue transatlantique qui est maintenant séculaire, qui inclut d'ailleurs pas simplement les États-Unis puis l'Europe occidentale, mais aussi la Caraïbe. La Caraïbe est un lieu essentiel de production intellectuelle au XXe siècle, et puis également l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale un peu plus tard, et le Brésil, qui à partir des années 40 est un lieu également essentiel. Sarafila Bacavelli. Oui, c'est à peu près ce que je voulais ajouter. C'est-à-dire que cette circulation et ces contacts ont toujours existé. C'est-à-dire les intellectuels noirs ont discuté depuis des siècles d'un commun et d'une pensée commune. Je vous renvoie aux travaux d'Anthony Mangeon sur la pensée noire, qui explique justement comment les uns et les autres se rencontrent pour travailler un commun de l'être noir au monde, et tout en disant on est très différents. Et toutes les rencontres, notamment la rencontre en 1956 à la Sorbonne, les discussions sont vives aussi parce que les gens sont très différents, mais savent tous que la catégorie de race fait que ça détermine leur présence dans la société ou dans les sociétés dans lesquelles ils vivent. Pas malheureusement les 13 minutes de ce titre de Fela Kuti et Africa, Genoui Temi, mais néanmoins, c'était une façon de rappeler l'importance d'une autre présence africaine et noire dans la société depuis très longtemps. C'est la musique, en l'occurrence, qui est partagée depuis au moins les années 20, Papa Ndiaye, dans une société comme la nôtre, par l'arrivée du jazz américain, mais également par l'arrivée de tout un tas de musiques qui sont des musiques métisses issues justement de ces univers noir africain en particulier. Oui, on fête d'ailleurs le centenaire au fond de l'arrivée du jazz en France, 1917. En 1917. C'est très très évident. Saint-Nazaire, Brest, avec ses orchestres de jazz qui stupéfient la population et qui familiarisent la population française, y compris dans des villes improbables de l'ouest de la France, avec de nouveaux rythmes et aussi avec des personnes qui sont physiquement différentes, qui parlent une langue étrange, etc. Et donc il y a quelque chose qui se passe il y a un siècle et qui ensuite se diffuse. Il y a des historiens qui ont beaucoup travaillé sur la présence du jazz en France, ce qui n'induit pas automatiquement le métissage des musiques n'induit pas automatiquement On sait combien le Hot Club de France par exemple avait une vision très racialisée de la musique en considérant que les Noirs étaient les seuls qui pouvaient faire du bon jazz par exemple. C'est aussi une autre manière d'inverser ces questions-là. Anaïs Kien. Oui, Nicole Grégoire, peut-être justement lorsqu'on parle d'étudier de ces recherches sur les conditions noires en Europe, mais aux États-Unis aussi. Évidemment, dans ces pays d'immigration, une des tâches les plus subtiles est de discerner les discriminations spécifiques aux Noirs dans un contexte où les étrangers, les immigrés, les nouveaux citoyens qui ne sont pas d'origine sont extrêmement nombreux avec des histoires diverses et d'origines très très très très différentes. Nicole Grégoire. Oui. Oui, tout à fait. Alors, justement, pour discerner ces discriminations, un outil important, ce sont évidemment les enquêtes quantitatives, qualitatives. Et alors, comme on le soulignait tout à l'heure, les savoirs développés par les milieux militants. Alors, il y a justement, en termes de puisqu'on parle de recherche quantitative notamment, la question des statistiques ethniques. En fait, je voulais souligner en revenant là-dessus que justement, dans plusieurs pays d'Europe, notamment en Belgique, finalement, on les développe, mais c'est un peu on fait sans dire. Et c'est la même chose qui se passe au niveau européen. Donc, par exemple, l'Agence européenne des droits fondamentaux en est à son deuxième grand rapport sur les discriminations qui touchent différentes minorités ethniques et nationales en Europe. Elle vient de sortir son dernier rapport en 2017 et alors elle définit des catégories nord-africains, roms, russes, africains subsahariens, etc. On fait un petit peu la même chose en Belgique, c'est-à-dire qu'on va rechercher l'origine nationale des gens, on essaie de faire des statistiques avec les données qu'on a, et à partir de là, interroger ces personnes sur leur expérience de la discrimination. Donc voilà, il y a des données qui existent en effet. Mais l'origine nationale ne définit pas forcément une couleur, pas obligatoirement. Non, bien sûr. Donc c'est une des limitations de ces statistiques, c'est que on se base en effet sur des origines nationales et que du coup, par exemple, quand il s'agit d'essayer d'estimer le nombre de personnes qui pourraient répondre au qualificatif de noir ou de personnes d'ascendance africaine en Belgique, il y a évidemment beaucoup de personnes qui ne sont pas comptabilisées. Pensons par exemple, alors c'est vrai que c'est pas la majorité, mais pensons par exemple aux personnes issues des Caraïbes, des États-Unis ou du Brésil qui sont présentes en Belgique, mais on ne va pas les compter dans le recensement de ce qu'on appelle de ce qu'on pourrait appeler les populations nord, puisqu'on n'en parle jamais de cette façon-là. Donc, en Belgique et en Europe, on compte les Africains subsahariens. Alors évidemment, ça pose pas mal de problèmes dans cette catégorie d'Africains subsahariens, on trouve par exemple les Jamaïcains pour l'Angleterre. Enfin voilà, on voit bien là qu'il y a une façon de catégoriser qui pose problème et qu'au fond, il vaudrait peut-être mieux en venir à appeler un chat en quelque sorte, si on veut avoir en effet des données précises. Sarah Filabacabadio et tout de suite après Pape Ndiaye. Juste pour faire une incise brève, on est quand même dans un moment assez particulier. On a quand même des productions sur ces populations qui sont beaucoup plus importantes. On a des réseaux militants qui sont très actifs. Effectivement, ils existent depuis un certain temps, mais on a une profusion de réseaux et d'associations. Et on a aussi des institutions internationales comme les Nations Unies qui s'intéressent à ces populations-là, dans le cadre notamment de la décennie autour des populations afrodescendantes, et qui nous demandent très pratiquement, puisque certains membres de la conférence sont partie prenante de ces événements, de produire des connaissances et des savoirs qu'ils pourront utiliser pour lancer des programmes à destination de ces populations. Oui, la question de la statistique est très importante pour engager des politiques publiques. Si on veut lutter contre le chômage, il vaut mieux avoir des données sur le chômage. Même chose pour l'échec scolaire, il vaut mieux avoir des données sur l'échec scolaire. Or là, on manque de données. Néanmoins, cette question statistique ne dit pas tout du travail des sciences sociales. Il y a un travail de sciences sociales qui est un travail, disons, qualitatif, pour le dire vite, qui permet également d'enquêter de manière très efficace pour décrire les situations d'aujourd'hui. Plus subtilement peut-être que les simples chiffres. Parfois plus subtilement, même si, bien entendu, on aimerait avoir plus de données à disposition. Sur les discriminations, par exemple, la question est évidemment très essentielle. Si on veut lutter contre les discriminations, il vaut mieux avoir des données. On en a maintenant, par exemple, en ce qui concerne le contrôle à faciès de la police. Pour répondre à votre question, on sait exactement quel est le pourcentage de personnes noires ou de personnes d'allure maghrébine qui est contrôlée par la police à la gare du Nord, par exemple. C'est l'étude de Fabien Jobard il y a quelques années par rapport à la population blanche. On a des données qui permettent ensuite d'engager des procédures, des changements, de transformer en quelque sorte une situation qui est vécue de manière particulièrement douloureuse par les populations concernées. Mais on voit bien combien cette matrice qu'on a décrite au tout début de notre discussion, qui est à la fois la matrice de la colonisation et donc de la peur de retomber après les décolonisations dans une stigmatisation et donc de dire tous les enfants de la République sont égaux sur le territoire républicain, mais aussi l'après-Seconde Guerre mondiale, Pape Ndiaye, avec cette question raciale qui était au cœur justement de la Shoah, combien ces questions sont en arrière-plan de ces discussions et combien il faut de temps pour pouvoir avancer, comme le disait Nicole Grégoire, en faisant semblant de ne pas le faire, pour pouvoir aller justement, par exemple, vers cette question des statistiques ethniques, pour voir quelles sont quelle est la réalité des discriminations, Pape Ndiaye. Oui, il vaut mieux avancer en crabe que pas avancer du tout. Utiliser des biais, parfois, qui ne sont pas forcément satisfaisants, mais qui permettent quand même d'obtenir des résultats. Ça progresse lentement. Je ne crois pas du tout au grand soir, une forme d'épiphanie, absolument pas, mais je crois à des formes d'adaptation par lesquelles les sciences sociales, mais également les politiques publiques, prendront et prennent en compte ces questions. Il y a cette question qu'on a évoquée tout à l'heure, d'une demande qui est très évidente. Demande sociale, vous voulez dire. Sociale, que l'on voit particulièrement dans le monde universitaire. Les séminaires, les cours qui portent sur ces questions attirent beaucoup de jeunes étudiants, et pas simplement les étudiants qui peuvent s'y rattacher d'un point de vue familial, mais bien au-delà. Ça veut dire que ces concepts qui sont développés justement dans le cadre de ces Black Studies peuvent être applicables à d'autres situations de domination, de relations entre populations, de relations de classe aussi, puisqu'on parle aujourd'hui d'intersectionnalité, donc mélangeant les questions de genre, les questions de classe et les questions de race, en l'occurrence Sarah Maccavedio. Tout à fait. De toute façon, le public s'est emparé de ces concepts. C'est-à-dire que nous nous retrouvons face à des gens qui ont déjà lu un certain nombre de travaux en anglais sur ces questions-là et qui les appliquent dans leur champ social. Et donc, il est aussi intéressant d'aller un peu plus loin. Je pense que effectivement, on peut marcher en crame, mais il va falloir aller un peu plus vite parce que les gens sont là, parce que il faut avoir des chercheurs qui travaillent sur ces thématiques-là, parce que si on attend aussi que le mouvement vienne d'en haut, on va pouvoir attendre un certain temps. Ça suppose aussi qu'il y ait aussi plus de personnes afrodescendantes dans l'université, parce que l'une des demandes aussi est de parler pour soi-même, sans nier l'importance et l'intérêt essentiel de production faite par différentes personnes. Mais il y a aussi une question de positionnalité, c'est-à-dire que l'expérience que les uns et les autres avons en tant que personnes catégorisées comme noires et aussi impacte aussi les contenus scientifiques. Donc il est à mon sens temps aussi parce que tout ce mouvement existe en France et en Europe et que nous ne pouvons pas ignorer en fait ce mouvement dans l'université en restant sur des usages sociaux anciens. Enfin, pas forcément anciens, mais du moins qui sont établis. Un dernier mot, Nicole Grégoire, pour conclure, parce que nous arrivons quasiment au terme de notre discussion. Oui, moi je rebondirai sur la question de la marginalisation académique des Black Studies en relation avec la marginalisation aussi académique, en effet, des chercheurs catégorisés comme noirs ou d'ascendance africaine. C'est quelque chose qui est extrêmement visible en Belgique, mais la Belgique n'est absolument pas une exception à ce niveau-là au niveau européen. Et donc, en effet, l'une des ambitions du colloque qu'on a organisé en novembre et du réseau qu'on aimerait mettre en place, c'est de développer une parole et des savoirs situés, ancrés, en effet, dans l'expérience ou les expériences noires en Europe. D'accord. Et donc, pour cela, il faut à la fois publier ces travaux, j'imagine, que vous avez menés pour ces journées d'études, et puis, par ailleurs, mettre en réseau tout cela, puisque vous nous disiez qu'en fait la vraie question c'était de mettre en réseau ces centres de recherche qui commençaient à s'essaimer, à naître dans toute l'Europe pour pouvoir partager les expériences entre chercheurs, étudiants et centres de recherche. Voilà, tout à fait. Donc l'ambition, c'est de comme encore une fois, on n'invente rien avec ce qu'on a fait en novembre, mais c'est de participer à la construction, à la mise en réseau de quelque chose en effet. Donc on y travaille. On reviendra vers vous dans quelques mois. Et Pape Ndiaye, dans quelques temps, vous allez publier votre travail que vous menez déjà depuis un certain temps sur la question d'une histoire mondiale des droits civiques. L'histoire mondiale, ça peut venir aussi en aide à cette question justement qu'on a abordée aujourd'hui des Black Studies, parce qu'effectivement, s'il y a une histoire mondiale, celle-ci en fait partie de plein pied. C'est le bon moyen les Black Studies de montrer que les histoires nationales telles qu'on les concevait jadis, avec les formes institutionnelles attachées à elles, que ces histoires nationales sont en train d'exploser. Bien entendu qu'il y a des nations, qu'il y a des frontières, mais il y a aussi... Il y a pas mal de résistances tout de même. Il y a des résistances, il y a des inerties. Ça ne va pas se faire tout de suite. Ça ne va pas se faire tout de suite. Et certains pensent qu'il ne faut pas que ça se fasse aussi. C'est une bataille, mais dans l'université, il y en a eu, autour de l'histoire des femmes, pour ne prendre que cet exemple à partir des années 70. Ça n'a pas été simple. J'ai quand même le sentiment que l'on avance dans une direction qui est celle-là. Merci à tous les trois d'être venus, à toutes et les trois, et à tous les trois, puisque vous êtes Pape Ndiaye, Nicole Grégoire et Sarah Filabacabadio, ainsi que Anaïs Kien dans ce studio ou dans le studio de Bruxelles. Merci donc de nous avoir fait le point sur ces questions des Black Studies, et puis on attend avec impatience la publication de votre livre, Pape Ndiaye, ce sera l'année prochaine, sur l'histoire mondiale des droits civiques, et puis la publication d'ici un an aussi à peu près, oui, de ces travaux que vous avez menés à Bruxelles en novembre dernier, Sarah Filabacabadio, Nicole Grégoire et bien d'autres autour de vous. Merci encore. Merci. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Bruno Gagnère-Fontani était avec nous à la technique aujourd'hui et la réalisation était assurée par Assia Ralid. Demain, nous parlerons en particulier avec le magazine L'Histoire dans notre séquence mensuelle La Fabrique Mondiale de l'Histoire de Moyen-Âge avec l'historien italien Tommaso Di Carpegna. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également réécouter le documentaire de mardi dernier ou le télécharger Fire, donc cette revue de la Harlem Renaissance ou toutes les autres émissions. Également, laissez vos commentaires sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire et nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter, c'est Fabrique FC.